bord du désert et j'aperçois toutes les lumières de la ville. Je me suis ensablé quelquefois. Mon chameau n'est pas si docile. De dune en dune. Et malgré moi, j'ai cramé pas mal de carburant. J'ai perdu la soif et la foi. Et je me suis égaré. Je regarde au loin. Le soleil est au top, au zénith. Je me prends pour un vrai bédouin et mon burnous est comme un J'ai dit qu'il était midi, je crois. Non, pas du tout. Il est minuit pile, puisqu'au bout de mon doigt, je vois toutes les lumières de la ville. Touareg. Le désert et la mer, quelle blague, c'est du pareil au même sous la lune. Des fois, la dune a vraiment l'air vague, et la vague a l'air d'une dune. On aurait pu crever à cours d'eau, le poil brûlé et la goule sèche. On s'en est sorti et mon chameau n'a pas volé une bière. J'ai rêvé au moins 1000 oasis dans le simoun et les typhons d'une princesse avec un iris dans ses cheveux d'un noir profond. Quand la dune dessinait son corps et quand la houle creusait sa croupe, mon fol esprit divaguait à tort depuis sa proue jusqu'à sa poupe. Oh là, toi avec ton cinéma. J'ai dû dériver dans des mirages qui m'attendaient au tourment. Je pensais, elle est sympa cette plage, et le ciel est très bleu au couchant. nageant dans le sable fin, sans fin. Je me disais, marcher me lasse. J'espère que la mer n'est plus très loin et que ce n'est pas marée basse. Touareg, Touareg, fais halte là.